to speak about the four guardian meditations. That is Buddha Nusati, or else Dhamma Nusati, recollection of the qualities of the Buddha or quality of the Dhamma. And then Metta Bhavana, loving kindness meditation. And the third, Asubha Bhavana, which is recollection of the foul nature of our own body. And the fourth, Marana Sati, recollection of the fact of death. And we covered the first two of these four. L'autre jour, nous avons commencé les quatre méditations protectrices. Nous avons couvert la première, Buddha Nusati, le rappel des qualités du Bouddha et du Dhamma. Et la deuxième, la Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant. Il nous reste donc deux, Asubhavana, le rappel du caractère repoussant du corps, et Maranasati, le rappel de la mort. Donc les deux premières sont finies. Il nous reste les deux dernières. Comment nous nous rappelons, nous ramenons à l'esprit les qualités particulières du Bouddha. On peut dire tout simplement qu'il est éveillé. Mais aussi qu'il éveille les autres. Si ça vous convient de faire ceci, c'est très bien. Si réfléchir sur les qualités d'un individu ne vous convient pas, vous pouvez réfléchir sur les qualités, vous rappeler les qualités du Dhamma qui est bien proclamé. Tout simplement, vous pouvez dire que Bouddha est éveillé et dans la pratique de Dhamma Nusati, dans l'esprit, mentalement, vous pouvez vous souvenir du fait que le Dhamma est bien proclamé. Et c'est ce que nous faisons le matin, les chants du matin. On parle des qualités spéciales du Bouddha et du Dhamma. Le but de cette pratique, en particulier, c'est de dissiper les peurs. Peuvent apparaître toutes sortes d'images qui peuvent faire peur quand on médite, ou peuvent apparaître des odeurs dégoûtantes. Alors à ce moment-là, pour remédier à ceci, on peut réfléchir aux qualités du Bouddha qui est éveillé et du Dhamma qui est bien proclamé. Donc, si nous faisons ceci, soit nous n'aurons plus de peur, soit nous pouvons les dissiper. Ceci, c'est le but de cette première pratique. Et la deuxième, c'est la méditation de Metta. Et l'essentiel de cette méditation, c'est d'amener dans notre esprit le sentiment de bienveillance. Comment nous le faisons? Dans notre esprit la pensée, puissent tous les êtres être libres des dangers, puissent-ils être libres de la souffrance mentale, de la douleur physique, et puissent-ils être capables de prendre soin d'eux-mêmes facilement. Ceci, nous disons en pali, prononçant, en disant Aham, Averohomi, etc. Et quel est le but de cette pratique en particulier? C'est d'éviter ou dissiper toute nuisance qui peut être tombée sur nous. Entre autres aussi, quand d'autres êtres voient nos sentiments, ils ne seront pas... ils ne vont pas être hostiles envers nous, mais tout à l'opposé, pardon, ils vont être aidants. Quand nous pratiquons, nous avons besoin de soutien des autres, de l'environnement. Et la pratique de métta nous aide à avoir ce soutien. Et la troisième pratique, c'est la pratique de Asubha Bhavana. Asubha, long, Bhavana. C'est voir la nature impure de notre corps. Et le corps est comparé à un sac qui remplit des choses peu agréables. Et là, nous commençons par les poils de la tête, ou les cheveux, on peut dire, les poils du corps, les ongles, les dents, la peau. Et ça, c'est que les cinq premières parties du corps. Là, il y a aussi la chair, les tendons, etc. Et jusqu'au numéro 32, qui est l'urine. La science moderne voit les choses un peu différemment, mais dans les enseignements, nous envisageons ces 35 parties. Nous avons 32 parties du corps, en commençant par les cheveux et jusqu'à l'urine. Quand les 35 parties sont ensemble, toutes les parties, ça peut apparaître agréable. C'est cette relation que nous avons avec notre corps. Et je pense que c'est évident à chacun, pour chacun de nous, ce fait. Nous pensons de notre propre corps comme quelque chose d'agréable. Mais prenons la même chose, le même corps, avec les parties séparées. Par exemple, un tas de cheveux, un tas de poils du corps, un tas d'ongles, un tas de peau. Certainement, ce ne sera pas aussi attirant. Quand tout ça s'est combiné, s'est réuni, alors c'est attirant et nous considérons ça comme quelque chose de supérieur. Nous chérissons, tandis que si nous imaginons tout ça en tas, qui va être attiré, qui va chérir ces parties. Donc, c'est pour cela. Au lieu de considérer tout ça ensemble, nous regardons toutes ces parties séparément et alors nous allons expérimenter du dégoût pour ces parties-là. Et nous faisons cette pratique simplement pour nous aider à éliminer l'attachement déraisonnable. Ceci n'est pas fait pour commencer à saillir, mais plutôt pour dépasser cet intérêt que nous avons pour notre propre corps. Sayadaw nous racontait l'histoire de cette dame qui était déjà âgée et qui passait des heures et des heures devant le miroir en faisant toutes sortes, en se maquillant. Mais même à la fin, elle n'était pas contente du résultat. Donc, elle était triste à cause de ça. Et c'est ce que j'appelle l'attachement déraisonnable. C'est que ça amène de la souffrance, surtout avec l'âge et quand nous perdons les capacités que nous avons dans notre jeunesse. La raison pour laquelle nous faisons cette pratique, c'est que quand les yogis commencent à pratiquer, à développer des samadhis, et il leur arrive parfois d'avoir des images très belles. Systématiquement, c'est pour les hommes, apparaissent les images des femmes très belles. Pour les femmes, c'est les hommes. Et quand apparaissent aux yogis, apparaissent les images comme ça les dérange, ça les sort de leur pratique. Et c'est pour cela, si nous pratiquons Asubhava Bhavana avant la pratique, nous allons tout simplement, quand apparaissent ces images, nous allons tout simplement noter, voir, et même même si ça apparaît, ce sera plus facile, ce sera facile à dissiper ces images-là. Ceci était aussi utile aux moines, nonnes ou ceux qui pratiquent l'abstinence sexuelle. Parce que si nous ne sommes pas intéressés par notre propre corps, alors nous ne serons pas intéressés par le corps des autres. Et donc ça permet de garder cette abstinence au niveau sexuel. Et cette idée de que le corps n'est pas beau, ce n'est pas lié au fait qu'il faut maintenant arrêter de se laver et de ne pas garder notre corps propre. Il est tout à fait bien de maintenir notre corps propre. Donc, ce n'est pas connecté au fait que le corps est sale. Ce n'est pas fait pour promouvoir la nonchalance par rapport à notre hygiène. C'est tout l'inverse. On garde notre corps tout propre. Donc, c'était Asubha Bhavana, la nature désagréable, repulsante de notre corps, de notre propre corps. Et la quatrième méditation protectrice, c'est Maranasati. Maranasati. Et cette méditation, c'est le constat que celui qui est né va inévitablement mourir et certaines personnes meurent jeunes, d'autres quand ils sont un peu plus âgés, certaines personnes meurent parce qu'ils ont été malades ou à cause d'un accident. Imprévisible, d'autres meurent vieux. On ne peut pas dire comment, quand et où, mais nous savons avec certitude que nous allons mourir. Et il y a personne qui vit sans mourir. Donc nous réfléchissons sur le fait que la vie n'est pas, il n'y a pas de certitude pour la vie. Par contre, la mort est sûre et la vie se termine par la mort. Nous réfléchissons sur le fait inévitable de notre mort. Donc Ma vie n'est pas certaine, mais la mort est sûre. Donc nous réfléchissons sur le caractère certain de ceci et pourquoi nous faisons cette réflexion. Parce que ça nous permettra de, si nous faisons ça avant, ça nous permettra de nous préparer d'un côté, nous préparer pour la mort, et de l'autre côté, nous aurons plus de patience quand nous expérimentons les douleurs. Moi, personnellement, j'ai fait ces réflexions. Et j'ai remarqué que je suis devenu plus patiente avec les douleurs que nous expérimentons pendant la pratique. De l'autre côté, c'est aussi pour éprouver de l'urgence et des choses importantes à faire. Par exemple, faire des choses bénéfique ou de pratiquer. Donc, il est important de faire ces choses-là tant qu'on est en vie. Nous pouvons le faire. Nous pouvons faire ces quatre méditations en 5 minutes. Et nous pouvons, par exemple, les faire à la toute première occasion de la journée. Par exemple, pour la première session, si nous faisons 1 minute de chaque de ces quatre méditations, alors ça va faire juste 5 minutes. En plus de ça, on n'a pas besoin de faire plus parce que nous pratiquons la méditation de metta le matin et le soir. Donc 5 minutes pour ces quatre façons de pratiquer. Ou même, par exemple, si nous comprenons ce qui est chanté le matin, ça nous servira aussi de protection. Et je voudrais aussi mentionner des moyens pour travailler sur la somnolence. Donc, je vais donner cette méthode. Et ceci était donné par le Bouddha dans son discours, était donné par à son disciple principal, Moggallana, quand il était déjà au premier niveau de l'éveil. Le Bouddha a vu qu'il était en train de dormir. Il était en train de piquer du nez. Et alors, il a dit... Mon fils, est-ce que tu es en train de dormir? Est-ce que tu es en train de piquer du nez? Et le Moggallana a dit oui, monsieur. Et à ce moment-là, le Bouddha a donné les 7 remèdes. Et la première méthode, c'est de changer d'objet de perception. Ça veut dire que si, par exemple, vous focalisez. Vous focalisez sur le soulèvement et l'abaissement et vous voyez que vous êtes en train de vous endormir. Alors, il faudrait changer l'objet de focalisation. Par exemple, on peut se focaliser sur le fait que nous sommes assis ou sur le toucher. Le toucher, par exemple, c'est le postérieur qui touche le tapis ou le coussin, ou les mains qui touchent les jambes. Je conseille de faire les deux, observer la posture assise et le toucher. On peut même rajouter toucher à gauche, toucher à droite, pour rajouter encore plus d'objets. Et quand nous observons ceci, il faut être très précis. Donc, quand c'est la posture assise, on observe tout le corps et après, un point de toucher de nouveau tout le corps et l'autre point de toucher. Et quand l'esprit se rafraîchit grâce à ça, alors nous pouvons revenir à notre objet primaire. Et la deuxième méthode, c'est de se rappeler quelque chose que vous connaissez par cœur. Ça peut être une écriture, ça peut être aussi par exemple un poème. Ce n'est pas obligé que ce soit lié à la méditation. Tout simplement réciter mentalement, par cœur, quelque chose. Et à ce moment-là, quand l'esprit se rafraîchira, à ce moment-là, vous pouvez revenir à votre objet de début, l'objet primaire. Alors, si ça ne marche pas, vous pouvez réciter un passage des Écritures ou un poème à voix haute. Évidemment, pas trop fort pour ne pas déranger les autres. Mais si vous récitez tout doucement, alors à ce moment-là, ça va rafraîchir l'esprit et l'esprit va se réveiller. Et à ce moment-là, nous pouvons revenir à l'objet primaire de début. Et la quatrième méthode, c'est vous pouvez, comment on dit, twist en français. J'ai oublié le mot. Ouais, voilà. C'est tordre les oreilles. Donc, vous allez tordre vos oreilles avec force et ça va amener le sang vers la tête, vers le visage. Et l'autre possibilité, vous pouvez aussi vous masser le corps. Donc, il y a ces deux possibilités, donc tordre les oreilles et faire du massage. Certains maîtres disent, si les voisins s'endorment, alors à ce moment-là, tordez les oreilles des autres, mais pas obligé de le faire quand même. Et la cinquième méthode, j'ai déjà mentionné, ouvrez les yeux et regardez la lumière. Ça va vous rafraîchir. Et une fois que vous êtes rafraîchi, vous pouvez revenir à votre objet primaire. Et la sixième méthode, c'est de se lever et aller se laver le visage à l'eau froide. Donc là derrière, il y a les WC, il y a un évier. Donc avec de l'eau froide aussi. Au rez-de-chaussée, il y a un endroit où vous pouvez rafraîchir votre visage. Et une fois que vous êtes réveillé, alors revenez quand même ici et continuez votre pratique. Et la septième méthode, c'est de se lever et pratiquer la méditation en marche. Soyez précise en observant vos pas, pas gauche, pas droit, ou lever, avancer, placer. Si vous faites ça de façon précise, ça va vous réveiller, ça va dissiper la somnolence et la torpeur. Ces méthodes sont importantes parce qu'il faut faire face à la somnolence. Pourquoi? Parce que quand nous sommes somnolents, nous ne pouvons pas observer les objets. Donc, soyez préparés d'essayer toutes les sept méthodes, en commençant par la première et jusqu'à la septième, pour combattre un moment de la somnolence. Et avec le temps, vous allez, en essayant, vous allez, vous allez développer cette capacité et surtout, vous allez développer la capacité de reconnaître la somnolence aussitôt. Mais préparez, soit prêt pour appliquer ces sept méthodes. Si les sept méthodes ne marchent pas quand même, alors vous pouvez aller vous coucher. C'est ce que le Bouddha a conseillé à son disciple, Moggallana. Une fois que l'esprit redevient vigilant, alors vous pouvez revenir à la méditation assise comme avant. Puissiez-vous être capable de continuer votre pratique en utilisant les quatre méditations gardiennes avec le soutien des autres pratiquants et vous appliquer à la respiration en dirigeant votre esprit, en faisant des efforts et développer la concentration et la connaissance qui libère. Sadhu, sadhu, sadhu. So may you be able to continue your practice with the protection of the four guardian meditations, with the support of all those around, and apply yourself to observing what arises within you, whatever becomes prominent, with aiming the mind, making effort, and observe each arising phenomena until you gain concentration and liberating knowledge.